Chapitre 45, scène conjugale. Comme l'avait prévu Athos, le cardinal ne tarda point à descendre. Il ouvrit la porte et trouva Porthos faisant une partie de dés acharnée avec Aramis. « Qu'est devenu monsieur Athos ? » demanda-t-il. « Monseigneur, répondit Porthos, il est parti en éclaireur. »« À cheval donc, messieurs, car il se fait tard. » Laissons-le suivre le chemin du camp protégé par l'écuyer et les deux mousquetaires et revenons à Athos. Pendant une centaine de pas, il avait marché de la même allure, mais une fois hors de vue, il revint au galop à l'auberge qu'on lui ouvrit sans difficulté. L'hôte le reconnut. « Mon officier, dit Athos, a oublié de faire à la dame du premier une recommandation importante. « Montez, dit l'hôte, elle est encore dans sa chambre. » Athos profita de la permission, monta l'escalier et vit Milady qui attachait son chapeau. Athos était debout devant la porte, enveloppé dans son manteau, son chapeau rabattu sur ses yeux. En voyant cette figure muette et immobile comme une statue, Milady eut peur. « Qui êtes-vous ? Et que demandez-vous » s'écria-t-elle. « Me reconnaissez-vous, madame ? » dit-il. Milady fit un pas en avant, puis recula comme à la vue d'un serpent. « Allons, dit Athos, c'est bien. Je vois que vous me reconnaissez. » « Le comte de la fer, murmura Milady en pâlissant. « Oui, Milady, répondit Athos, le comte de la fer en personne, qui revient tout exprès de l'autre monde pour avoir le plaisir de vous voir. » Milady, dominée par une terreur inexprimable, s'assit sans proférer une seule parole. « Vous êtes donc un démon envoyé sur la terre, dit Athos. Je croyais vous avoir terrassé, madame. » Mais où je me trompais, où l'enfer vous a ressuscité. Vous me croyiez mort, n'est-ce pas, comme je vous croyais morte. Et ce nom d'Athos avait caché le comte de l'affaire comme le nom de Milady Clarick avait caché Anne de Breuil. Mais enfin, dit Milady d'une voix sourde, qui vous ramène vers moi? Et que me voulez-vous? Je veux vous dire que tout en restant invisible à vos yeux, je ne vous ai pas perdu de vue, moi. C'est vous qui avez coupé les deux ferrets de diamants sur l'épaule du duc de Buckingham. C'est vous qui avez fait enlever Madame Bonacieux. C'est vous qui, croyant que de Ward vous avait trompé, avez voulu le faire tuer par son rival. C'est vous qui, lorsque ce rival eut découvert votre infâme secret, avez voulu le faire tuer à son tour. C'est vous, enfin, qui venez là de prendre avec le cardinal de Richelieu l'engagement de faire assassiner le duc de Buckingham en échange de la promesse qu'il vous a faite de vous laisser assassiner d'Artagnan. Milady était livide. Mais vous êtes donc Satan, dit-elle. Peut-être, dit Athos. Mais en tout cas, écoutez bien ceci. Assassiner ou faites assassiner le duc de Buckingham, peu m'importe. Mais ne touchez pas du bout du doigt à un seul cheveu de D'Artagnan. Monsieur D'Artagnan m'a cruellement offensé, dit Milady d'une voix sourde. Monsieur D'Artagnan mourra. Athos fut saisi comme d'un vertige. La vue de cette créature lui rappelait des souvenirs terribles. Son désir de meurtre lui revint brûlant et l'envahit comme une fièvre ardente. Il se leva à son tour, porta la main à sa ceinture, en tira un pistolet et l'arma. Milady, pâle comme un cadavre, voulut crier, mais sa langue glacée ne put proférer qu'un son rauque. Athos leva lentement son pistolet et tendit le bras de manière que l'arme toucha presque le front de Milady. « Madame, dit-il. » Vous allez à l'instant même me remettre le papier que vous a signé le cardinal, ou sur mon âme, je vous fais sauter la cervelle. Vous avez une seconde pour vous décider, dit-il. Milady vit à la contraction de son visage que le coup allait partir. Elle porta vivement la main à sa poitrine, en tira un papier et le tendit à Athos. Tenez, dit-elle, et soyez maudit. C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 3 décembre 1627, Richelieu. Et maintenant, dit Athos en reprenant son manteau et en replaçant son feutre sur sa tête, maintenant que je t'ai arraché les dents, vipère, mort si tu peux. Et il sortit de la chambre sans même regarder en arrière. Il se mit légèrement en selle et partit au galop, et vint se mettre en travers de la route à 200 pas du camp à peu près. Qui vive ? Cria-t-il de loin quand il aperçut les cavaliers. « C'est notre brave mousquetaire, je crois, dit le cardinal. En disant ces mots, le cardinal salua de la tête les trois amis et prit à droite, suivi de son écuyer, car cette nuit-là, lui-même couchait au camp. « Eh bien, » dirent ensemble Porthos et Aramis lorsque le cardinal fut hors de la portée de la voix. « Eh bien, il a signé le papier ?»« Je le sais, » dit tranquillement Athos, « puisque le voici. » Et les trois amis n'échangèrent plus une seule parole jusqu'à leur quartier. D'un autre côté, comme l'avait prévu Athos, Milady, en retrouvant à la porte les hommes qui l'attendaient, ne fit aucune difficulté de les suivre. En conséquence, à 9 heures, le bâtiment levait l'ancre et faisait voile pour l'Angleterre. Chapitre 46. Le bastion Saint-Gervais. En arrivant chez ses trois amis, D'Artagnan les trouva réunis dans la même chambre. « Allons par paillot, » dit Athos, « car ici les murailles sont comme des feuilles de papier. » D'Artagnan, qui était habitué aux manières de faire de son ami, et qui reconnaissait tout de suite à une parole, à un geste, un signe de lui que les circonstances étaient graves, prit le bras d'Athos et sortit avec lui sans rien dire. Porthos suivit en devisant avec Aramis. On arriva à la buvette du Parpaillot, il était 7 heures du matin, le jour commençait à paraître. « Allons, dit Athos, nous allons nous faire quelques bonnes querelles et nous n'avons pas besoin de cela en ce moment. D'Artagnan, racontez-nous votre nuit, nous vous raconterons la nôtre après. » « En effet, dit un chevau léger qui se dandinait en tenant à la main un verre d'eau de vie qu'il dégustait lentement. « En effet, vous étiez tranchés cette nuit, messieurs les gardes. »« N'avrez-vous pas bris un bastion ?» demanda un Suisse qui buvait un rhum dans un verre à bière. « Oui, monsieur, répondit D'Artagnan en s'inclinant, nous avons eu cet honneur. »« Balzambleu, fit le Suisse. « Mais il est probable, dit le chevau léger, qu'ils vont ce matin envoyer des pionniers pour remettre le bastion en état. »« Oui, c'est probable, dit D'Artagnan. » « Messieurs, dit Athos, un pari. »« Ah oui, un pari, » dit le Suisse. « Eh bien, monsieur de Bussigny, je parie avec vous, » dit Athos, « que mes trois compagnons, messieurs Porthos, Aramis et D'Artagnan, et moi, nous allons déjeuner dans le bastion Saint-Gervais et que nous y tenons 1 heure, montre à la main, quelque chose que l'ennemi fasse pour nous déloger. » Porthos et Aramis se regardèrent. Ils commençaient à comprendre. « Aussi, je l'accepte, » dit monsieur de Bussigny. « Maintenant, il s'agit de fixer l'enjeu. » « Mais vous êtes 4, messieurs, » dit Athos. « Nous sommes 4. Un dîner à discrétion pour 8. Cela vous va-t-il ?»« À merveille, » reprit monsieur de Bussigny. « Le déjeuner de ces messieurs est prêt, » dit l'hôte. « Eh bien, apportez-le, » dit Athos. L'hôte obéit. Athos appela Grimaud, lui montra un grand panier qui gisait dans un coin et fit le geste d'envelopper dans les serviettes les viandes apportées. Et saluant les assistants ébahis, les 4 jeunes gens prirent le chemin du bastion Saint-Gervais, suivis de Grimaud qui portait le panier. D'Artagnan, qui ignorait complètement ce dont il s'agissait, crut qu'il était temps de demander une explication. « Et maintenant, mon cher Athos, dit-il, faites-moi l'amitié de m'apprendre où nous allons. »« Vous le voyez bien, dit Athos, nous allons au bastion. Nous avons des choses fort importantes à nous dire, et qu'il était impossible de causer 5 minutes dans cette auberge avec tous ces importuns qui vont, qui viennent, qui saluent, qui accostent. Ici, du moins, continua Athos en montrant le bastion, on ne viendra pas nous déranger. » Il n'y a pas de désert où un oiseau ne puisse passer au-dessus de la tête, où un poisson ne puisse sauter au-dessus de l'eau. Tout s'est fait espion du cardinal. Mieux vaut donc poursuivre notre entreprise, devant laquelle d'ailleurs nous ne pouvons plus reculer sans honte. Nous avons fait un pari. « Oui, » dit D'Artagnan, « mais nous attraperons indubitablement une balle. »« Eh, mon cher, » dit Athos, « vous savez bien que les balles les plus à craindre ne sont pas celles de l'ennemi. » Arrivés au bastion, les 4 amis se retournèrent. Plus de 300 soldats de toutes armes étaient assemblés à la porte du camp. Et dans un groupe séparé, on pouvait distinguer Monsieur de Bussigny, le dragon, le Suisse et le 4e parieur. Athos ôta son chapeau, le mit au bout de son épée et l'agita en l'air. Tous les spectateurs lui rendirent son salut, accompagnant cette politesse d'un grand hurrah qui arriva jusqu'à eux. Après quoi, ils disparurent tous 4 dans le bastion où les avait déjà précédés Grimaud. Chapitre 57. Le conseil des mousquetaires. Messieurs, dit Athos, qui avait pris le commandement de l'expédition, tandis que Grimaud va mettre la table, commençons par recueillir les fusils et les cartouches. Comme ils achevaient de charger le dernier fusil, Grimaud fit signe que le déjeuner était servi. Les 4 amis s'assirent à terre, les jambes croisées comme les Turcs ou comme les tailleurs. Ah! « Maintenant, dit D'Artagnan, que tu n'as plus la crainte d'être entendu, j'espère que tu vas nous faire part de ton secret, Athos. »« J'espère que je vous procure à la fois de l'agrément et de la gloire, messieurs, dit Athos. Mais ce secret, demanda d'Artagnan. Le secret, dit Athos, c'est que j'ai vu Milady hier soir. D'Artagnan portait son verre à ses lèvres, mais à ce nom de Milady, la main lui trembla si fort qu'il le posa à terre pour ne pas en répandre le contenu. Et où cela ? Demanda d'Artagnan. À 2 lieues d'ici, à peu près, à l'auberge du Colombier Rouge. Mais au bout du compte, demanda Porthos, qu'est-ce donc que cette Milady ? Une femme charmante, dit Athos, qui a eu des bontés pour notre ami d'Artagnan, qui lui a fait je ne sais quelle noirceur dont elle a essayé de se venger il y a un mois en voulant le faire tuer à coups de mousquet, il y a 8 jours en essayant de l'empoisonner et hier en demandant sa tête au cardinal. Comment en demandant ma tête au cardinal ? S'écria d'Artagnan, pâle de terreur. Ça, dit Porthos, c'est vrai comme l'évangile, je l'ai entendu de mes 2 oreilles. Moi aussi, dit Aramis. Mais je n'en réchapperai jamais, dit d'Artagnan avec des ennemis pareils. D'abord mon inconnu demain, ensuite de Wardes, à qui j'ai donné 3 coups d'épée, puis Milady, dont j'ai surpris le secret, enfin le cardinal, dont j'ai fait échouer la vengeance. Eh bien, dit Athos, tout cela ne peut faire que 4, et nous sommes 4, 1 contre 1. Pardieu, si nous en croyons les signes que nous fait Grimaud, nous allons avoir affaire à un bien plus grand nombre de gens. Qu'y a-t-il, Grimaud ? Considérant la gravité de la circonstance, je vous permets de parler, mon ami, mais soyez laconique, je vous prie, que voyez-vous ? Une troupe. De combien de personnes ? De 20 hommes. Quels hommes ? 16 pionniers, 4 soldats. Puis, avalant le contenu de son verre qu'il posa près de lui, Athos se leva nonchalamment, prit le premier fusil venu et s'approcha d'une meurtrière. Porthos, Aramis et D'Artagnan en firent autant. Quant à Grimaud, il reçut l'ordre de se placer derrière les 4 amis afin de recharger les armes. « C'est qu'ils ne nous ont pas vus, reprit Athos. « Ma foi, dit Aramis, j'avoue que j'ai répugnance à tirer sur ces pauvres diables de bourgeois. »« Mauvais prêtre, répondit Porthos, qui a pitié des hérétiques. »« En vérité, dit Athos, Aramis a raison, je vais les prévenir. »« Messieurs, dit-il en s'adressant aux soldats et aux travailleurs, qui, étonnés de son apparition, s'arrêtaient à 50 pas environ du bastion, » et en les saluant courtoisement. « Messieurs, nous sommes quelques amis et moi en train de déjeuner dans ce bastion. » « Regarde, Athos !» s'écria d'Artagnan. « Ne vois-tu pas qu'ils te mettent en joue ?» En effet, au même instant, 4 coups de fusil partirent et les balles vinrent s'aplatir autour d'Athos, mais sans qu'une seule ne le touchât. 4 coups de fusil leur répondirent presque en même temps, mais ils étaient mieux dirigés que ceux des agresseurs. 3 soldats tombèrent tués raides, et un des travailleurs fut blessé. Le reste de la troupe prit la fuite. « Rechargez les armes, Grimaud, dit Athos, et nous, messieurs, reprenons notre déjeuner et continuons notre conversation. Où en étions-nous ? » « Je me le rappelle, dit d'Artagnan, qui se préoccupait fort de l'itinéraire que devait suivre Milady. « Elle va en Angleterre, répondit Athos. « Et dans quel but ? « Dans le but d'assassiner ou de faire assassiner Buckingham. » D'Artagnan poussa une exclamation de surprise et d'indignation. « Mais c'est infâme, s'écria-t-il. « Le duc est anglais, le duc combat contre nous. « Qu'elle fasse du duc ce qu'elle voudra, je m'en soucie comme d'une bouteille vide. « Un instant, dit d'Artagnan, je n'abandonne pas Buckingham ainsi. « Il nous avait donné de fort beaux chevaux. » Puis, observa Aramis, Dieu veut la conversion et non la mort du pécheur. Amen, dit Athos, et nous reviendrons là-dessus plus tard, si tel est votre plaisir. Mais ce qui pour le moment me préoccupait le plus, d'Artagnan, c'était de reprendre à cette femme une espèce de blanc-seing qu'elle avait extorqué au cardinal, et à l'aide duquel elle devait impunément se débarrasser de toi et peut-être de nous. Et ce blanc-seing, dit d'Artagnan, ce blanc-seing est-il resté entre ses mains ? Non, il est passé dans les miennes. « Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je ne compte plus les fois que je vous dois la vie. Et que va-t-elle faire maintenant ? Demanda le jeune homme. « Mais, dit négligemment Athos, elle va probablement écrire au cardinal qu'un damné mousquetaire nommé Athos lui a arraché son sauf-conduit. Le cardinal se rappellera que ce sont les mêmes hommes qu'il rencontre toujours sur son chemin. Alors un beau matin, il fera arrêter d'Artagnan, et pour qu'il ne s'ennuie pas tout seul, il nous enverra lui tenir compagnie à la Bastille. » « Savez-vous, dit Porthos, que tordre le cou à cette damnée Milady serait un péché moins grand que de le tordre à ces pauvres diables de Huguenots qui n'ont jamais commis d'autre crime que de chanter en français des psaumes que nous chantons en latin ?»« J'ai une idée, dit d'Artagnan. »« Voyons, dirent les mousquetaires. »« Je passe en Angleterre une seconde fois. Je vais trouver Monsieur de Buckingham et je l'avertis du complot tramé contre sa vie. »« Vous ne ferez pas cela, d'Artagnan, » dit froidement Athos. « Et pourquoi cela ? Ne l'ai-je pas fait déjà ? Oui !» À cette époque, nous n'étions pas en guerre. À cette époque, monsieur de Buckingham était un allié et non un ennemi. Ce que vous voulez faire serait taxé de trahison. » D'Artagnan comprit la force de ce raisonnement et se tut. « Ah ah ! Que se passe-t-il donc dans la ville ?» dit Athos. « On bat la générale. » Les quatre amis écoutèrent et le bruit du tambour parvint effectivement jusqu'à eux. « Vous allez voir qu'ils vont nous envoyer un régiment tout entier, » dit Athos. « Vous ne comptez pas tenir contre un régiment tout entier, » dit Porthos. « Pourquoi pas ?» dit le mousquetaire. « Je me sens en train. Et tenez justement, messieurs, voilà la vraie idée qui me vient. » Dites alors. « Grimaud, » dit Athos en montrant les morts qui gisaient dans le bastion. « Vous allez prendre ces messieurs, vous allez les dresser contre la muraille, vous leur mettrez leur chapeau sur la tête et leur fusil à la main. » « Ô grand homme, » s'écria d'Artagnan, « je te comprends. » « Je voudrais pourtant bien comprendre, » observa Porthos. « C'est inutile, » dit Athos. « Cette milady, cette femme, cette créature, ce démon a un beau-frère, à ce que vous m'avez dit, je crois, d'Artagnan. « Oui, je le connais beaucoup, même, et je crois aussi qu'il n'a pas une grande sympathie pour sa belle-sœur. « Comment se nomme ce beau-frère ?»« Lord de Winter. »« Où est-il maintenant ?»« Il est retourné à Londres au premier bruit de guerre. »« Eh bien, voilà justement l'homme qu'il nous faut, » dit Athos. C'est celui qu'il nous convient de prévenir. Nous lui ferons savoir que sa belle-sœur est sur le point d'assassiner quelqu'un et nous le prierons de ne pas la perdre de vue. Il y a bien à Londres, je l'espère, quelque établissement dans le genre des Madelonnettes ou des filles repenties. Il y fait mettre sa belle-sœur et nous sommes tranquilles. Oui, dit d'Artagnan, jusqu'à ce qu'elle en sorte. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, dit Aramis. Nous prévenons à la fois la reine et Lord de Winter. Oui, mais par qui ferons-nous porter la lettre à Tours et la lettre à Londres ? Je réponds de Bazin, dit Aramis. Et moi de Planchet, continua d'Artagnan. Sans doute, dit Aramis. Et dès aujourd'hui, nous écrivons les lettres, nous leur donnons de l'argent et ils partent. Nous leur donnons de l'argent, reprit Athos. Vous en avez donc de l'argent ? Alerte, cria d'Artagnan, je vois des points noirs et des points rouges qui s'agitent là-bas. Que disiez-vous donc d'un régiment, Athos ? C'est une véritable armée. Ma foi, oui, dit Athos, les voilà. Ah ! « Ah, tu as fini, Grimaud ?» Grimaud fit signe que oui. « Bravo !» reprit Athos. « Voilà qui fait honneur à ton imagination. »« C'est égal, » dit Porthos. « Je voudrais cependant bien comprendre. »« Décampons d'abord, » interrompit d'Artagnan. « Tu comprendras après. » Les quatre amis sortirent et firent une dizaine de pas. Athos agita son étendard en tournant le dos aux gens de la ville et en saluant ceux du camp. Des deux côtés, de grands cris retentirent, d'un côté des cris de colère, de l'autre des cris d'enthousiasme. « Allons, Athos, allons !» dit d'Artagnan. « Allongeons, allongeons !» Au bout d'un instant, on entendit le bruit d'une fusillade enragée. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Porthos. « Et sur quoi tire-t-il ? Je n'entends pas siffler les balles et je ne vois personne. »« Il tire sur nos morts !» répondit Athos. « Mais nos morts ne répondront pas. » « Justement, alors qu'ils croiront à une embuscade, ils délibéreront, et quand ils s'apercevront de la plaisanterie, nous serons hors de la portée des balles. »« Ah, je comprends !» s'écria Porthos émerveillé. « Bienheureux, » dit Athos en haussant les épaules. « Voici des gens bien maladroits, » dit Athos. « Combien en avons-nous tué ? 12 ? Ou 15 ? Combien en avons-nous écrasé ? 8 ou 10 ? Et en échange de tout cela, pas une égratignure ? Ah, si fait. Qu'avez-vous donc à la main, d'Artagnan ? Du sang, ce me semble. »« Ce n'est rien, » dit d'Artagnan. « Une écorchure. Mes doigts ont été pris entre deux pierres, celle du mur et celle de ma bague. Alors la peau s'est ouverte. » « Ah, ça, mais, » s'écria Porthos, « il y a un diamant, en effet. Et pourquoi diable alors, puisqu'il y a un diamant, nous plaignons-nous de ne pas avoir d'argent ?»« Tiens, au fait, » dit Aramis. « À la bonne heure, Porthos. Cette fois-ci, voilà une idée. » « Eh bien, » dit gaiement d'Artagnan, « vendons le diamant et n'en parlons plus. » La fusillade continuait, mais les amis étaient hors de portée et les Rochelois ne tiraient plus que pour l'acquis de leur conscience. « Ma foi, » dit Athos, « on vient à notre rencontre, nous allons être portés en triomphe. » On n'entendait que le cri de « Vive les gardes, vive les mousquetaires !» Monsieur le cardinal crut qu'il y avait émeute et envoya la houdinière, son capitaine des gardes, s'informer de ce qui se passait. La chose fut racontée au messager avec toute l'efflorescence de l'enthousiasme. Le soir même, le cardinal parla à monsieur de Tréville de l'exploit du matin. « C'est bien, monsieur de Tréville, » dit le cardinal. « Faites-moi tenir cette serviette, je vous prie. J'y ferai broder 3 fleurs de lys d'or. » « Et je la donnerai pour guidon à votre compagnie. »« Monseigneur, » dit monsieur de Tréville, « il y aura injustice pour les gardes. Monsieur d'Artagnan n'est pas à moi, mais à monsieur des Essarts. »« Eh bien, prenez-le, » dit le cardinal. Le même soir, monsieur de Tréville annonça cette bonne nouvelle aux 3 mousquetaires et à d'Artagnan. Le même soir, d'Artagnan alla présenter ses hommages à monsieur des Essarts et lui faire part de l'avancement qu'il avait obtenu.

Quand 7 heures sonnèrent, on entendit passer les patrouilles qui allaient doubler les postes. À 7h30, la retraite sonna. « Nous sommes perdus, » dit D'Artagnan à l'oreille d'Athos. Mais voilà que tout à coup, dans l'obscurité, une ombre se dessine, dont la forme est familière à D'Artagnan, et qu'une voix bien connue lui dit « Monsieur, je vous apporte votre manteau, car il fait frais ce soir. »« Planchet !» s'écria D'Artagnan, ivre de joie. « Planchet !» répétèrent Porthos et Aramis. « Eh ben oui, Planchet !» dit Athos. « Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?»« Si jamais vous quittez votre maître, je vous garde une place à mon service. »« Oh non, jamais !» dit Planchet. « Jamais je ne quitterai Monsieur D'Artagnan. » En même temps, D'Artagnan sentit que Planchet lui glissait un billet dans la main. « J'ai le billet, » dit-il à Athos et à ses amis. « C'est bien, » dit Athos, « entrons chez nous et nous le lirons. » Enfin, on entra dans la tente, on alluma une lampe. D'Artagnan, d'une main tremblante, brisa le cachet et ouvrit la lettre tant attendue. « Thank you, be easy. » Ce qui voulait dire « merci, soyez tranquille. » Athos prit la lettre des mains de D'Artagnan, l'approcha de la lampe, y mit le feu, et ne la lâcha point qu'elle ne fût réduite en cendres. « Soit, » dit D'Artagnan, « couchons-nous. Dors bien, Planchet. Ma foi, monsieur, ce sera la première fois depuis 16 jours. »« Et moi aussi, » dit D'Artagnan. « Et moi aussi, » répéta Porthos. « Et moi aussi, » répéta Aramis. « Eh bien, voulez-vous que je vous avoue la vérité ?»« Et moi aussi, » dit Athos. Chapitre 49. Fatalité. Cependant, Milady, ivre de colère, rugissant sur le pont du bâtiment comme une lionne qu'on embarque, avait été tentée de se jeter à la mer pour regagner la côte, car elle ne pouvait se faire à l'idée qu'elle avait été insultée par D'Artagnan, menacée par Athos, et qu'elle quittait la France sans se venger d'eux. Mais Milady continua sa route, et le jour même où Planchet s'embarquait de Portsmouth pour la France, la messagère de son éminence entrait triomphante dans le port. Toute la ville était agitée d'un mouvement extraordinaire. 4 grands vaisseaux récemment achevés venaient d'être lancés à la mer. On voyait Buckingham entouré d'un état-major presque aussi brillant que lui. On entra dans la rade. Mais comme on s'apprêtait à y jeter l'ancre, un petit cutter formidablement armé s'approcha du bâtiment marchand et fit mettre à la mer son canot qui se dirigea vers l'échelle. Ce canot renfermait un officier, un contremaître et 8 rameurs. L'officier seul monta à bord. L'officier s'entretint quelques instants avec le patron, lui fit lire un papier dont il était porteur, et sur l'ordre du capitaine marchand, tout l'équipage du bâtiment, matelots et passagers, fut appelé sur le pont. Alors l'officier commença de passer la revue de toutes les personnes les unes après les autres, et s'arrêtant à Milady, la considéra avec un grand soin, mais sans lui adresser une seule parole. Puis il revint au capitaine, lui dit encore quelques mots, et il commanda une manœuvre que l'équipage exécuta aussitôt. Alors le bâtiment se remit en route. Lorsqu'on entra dans le port, il faisait déjà nuit. Milady, cette femme si forte, se sentait frissonner malgré elle. L'officier se fit indiquer les paquets de Milady, fit porter son bagage dans le canot, et lorsque cette opération fut faite, il l'invita à y descendre elle-même en lui tendant sa main. Milady regarda cet homme et hésita. Mais enfin, est-ce l'habitude que les officiers de la marine anglaise poussent la galanterie jusqu'à conduire à terre ? Oui, Milady, c'est l'habitude. Non point par galanterie, mais par prudence, qu'en temps de guerre, les étrangers soient conduits à une hôtellerie désignée. Mais je ne suis pas étrangère, monsieur, je me nomme Lady Clarick, et cette mesure est générale, Milady. Et vous tenteriez inutilement de vous y soustraire. « Je vous suivrai donc, monsieur. » Au bout de 5 minutes, on touchait à terre. Une voiture attendait. « Cette voiture est-elle pour nous ?» demanda Milady. « Oui, madame, » répondit l'officier. « Allons, » dit Milady. Et elle monta résolument dans la voiture. Aussitôt, sans qu'aucun ordre fût donné et sans qu'on eût besoin de lui indiquer sa destination, le cocher partit au galop et s'enfonça dans les rues de la ville. Cependant, au bout d'un quart d'heure, étonnée de la longueur du chemin, elle se pencha vers la portière pour voir où on la conduisait. On n'apercevait plus de maisons, des arbres apparaissaient dans les ténèbres comme de grands fantômes noirs, courant les uns après les autres. Milady frissonna. Enfin, après une heure de marche à peu près, la voiture s'arrêta devant une grille de fer qui fermait un chemin creux, conduisant à un château sévère de forme, massif et isolé. Alors, comme les roues tournaient sur un sable fin, Milady entendit un vaste mugissement qu'elle reconnut pour le bruit de la mer qui vient se briser sur une côte escarpée. Puis l'officier, toujours avec la même politesse calme, invita sa prisonnière à entrer dans la maison. Celle-ci, toujours avec son même visage souriant, lui prit le bras et entra avec lui sous une porte basse et cintrée qui conduisait à un escalier de pierre. Puis on s'arrêta devant une porte massive qui, après l'introduction dans la serrure d'une clé que le jeune homme portait sur lui, roula lourdement sur ses gonds et donna ouverture à la chambre destinée à Milady. C'était une chambre dont l'ameublement était à la fois bien propre pour une prison et bien sévère pour une habitation d'homme libre. Cependant, des barreaux aux fenêtres et des verrous extérieurs à la porte décidaient le procès en faveur de la prison. Enfin, Milady n'y put tenir plus longtemps. Elle rompit le silence. « Au nom du ciel, monsieur, s'écria-t-elle, que veut dire tout ce qui se passe ? Vous êtes ici dans l'appartement qui vous est destiné, madame. J'ai reçu l'ordre d'aller vous prendre en mer et de vous conduire en ce château. » En ce moment, on entendit par les escaliers un grand bruit d'éperons. Quelques voix passèrent et s'éteignirent. Et le bruit d'un pas isolé se rapprocha de la porte. La porte s'ouvrit. Un homme parut sur le seuil. Il était sans chapeau, portait l'épée au côté et froissait un mouchoir entre ses doigts. Milady crut reconnaître cette ombre dans l'ombre. Puis, lorsqu'elle n'eut plus aucun doute, « Et quoi, mon frère ? » s'écria-t-elle au comble de la stupeur. « C'est vous ?» « Oui, belle dame, » répondit Lord de Winter en faisant un salut moitié courtois, moitié ironique. « Moi-même. Mais alors ce château est à moi. Cette chambre, c'est la vôtre. Je suis donc votre prisonnière ? À peu près. Mais c'est un affreux abus de la force. Pas de grands mots. Asseyons-nous et causons tranquillement, comme il convient de faire entre un frère et une sœur. » Puis se retournant vers la porte et voyant que le jeune officier attendait ses derniers ordres, « C'est bien, dit-il, je vous remercie. Maintenant, laissez-nous, monsieur Felton. »